Vous écoutez Canal Sud, le 92.2 FM toulousain, ou le canalsud.net webien. C'est la fin de From Jazz to Jazz et le début de Nuisance. Nous avons l'occasion d'avoir un peu de silence dans cette émission pour une fois. Ça durera le temps de l'installation du matériel. Et ensuite, nous aurons donc des concertos, ou un concerto tout du moins, pour table de mixage et PC ordi quoi. Donc attention à vous, l'émission Nuisance est une émission qui nuit au sens, nous vous le rappelons. Donc éloignez-vous bien des moniteurs, vous risquez de vous faire mal. Bon, le bruit de l'installation, ça va durer à peu près une demi-heure, amusez-vous bien. Comme tout à fait de certes. Un foisonnement incessant. Le foisonnement se fait dans claustrophobie sur une tempête peu agitée. La mer en claustrophobie donc. Mutativité, flabbergastement. Toujours flabbergastement. Permissivité donc de la réaction anticipatoire. Réaction. Ou permissivité de la possibilité. Thank you. y a tellement de possibilités que l'on s'en noie, s'en doigté. Voilà. Comme je disais, permissivité de l'incantatoire. Pourtant si trouble. Pourtant si troublant, l'affaire est pourtant si vite mal réglée. On pourrait presque se demander si jamais. Le demeurait. Le demeurait s'ayant donc, essayant même. Toujours donc débilitatoire. Débilite à toi, débilite à moi, débilite à nous, quoi. Et le clink-clink de la Porsche que je range dans le garage, immaculé. La Porsche immaculée, donc, du garage. Nous sommes donc le vendredi 25 mars 2011, à peu près 21h15, dans Nuisance, donc sur Canal Sud. La voie libre, donc. Donc un fameux silence, donc. Ce qui ne peut faire réellement de mal, pour une fois, dans une émission qui en fait tant de mal, de mal aimé, ou de mal armé. Voilà, donc vous avez un vent stellaire, omniprésent,

There is something wrong. Vous êtes donc sur Canal Sud 92.2 FM pour vous le redire. Il est 9h22. Nous sommes le vendredi, si je ne m'abuse, le vendredi 25 mars 2011. Donc, comme j'ai dit, 21h22 minutes. C'est l'émission Nuisance avec un concerto pour table de mixage et PC ce soir avec divers intervenants. Et nous vous souhaitons donc une agréable soirée. À l'écoute du 92.2 Toulousain ou du canalsud.net, ou eh bien, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, concerto de table de mixage, donc ce soir. Tout le plaisir que on vous doit. Ça donc, table de mixage. Table de mixage, donc, un peu le. Un peu l'arsenal, donc le feedback est omniprésent toujours. Now, or we will never be able to attain the goal. It's a wonder we're even here, man. We're not here, we're somewhere else. It's gotta be true, nous sommes ailleurs. Demandons au fou. Où est l'ailleurs, fou? L'ailleurs. Fou. D'ailleurs, fou. D'ailleurs. Fous sont doux. D'ailleurs, les fous. D'où sont-ils les fous d'abord? D'ailleurs. Ou d'ici? Dites-le-moi. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant et pour jamais dans l'éternité. Oh oui, oh oui. Oh mon Dieu. Y'a comme un hic. Y'a comme un hic. Comme un hic dans le haddock. Mais est-ce que tu as seulement pris le temps avec toi? Oh shit, y'a comme un problème, quelque chose qui va pas. Oh merde, oh non pas ça. L'on ne voudrait pas enseigner la mauvaise voie aux enfants. Il y a pourtant une possibilité de transparaître. Une transfiguration peut-être. Volume tangentiel étant donc un volume critique. Nous ne sommes donc que permissifs. potentiel toujours. all been in the pots. I've gotta say something. I just don't know what yet. I gotta lose this shit. There's something I'm losing here. I'm losing myself. Let's be back in my ass. descend jusqu'au trou final. Le trou? La mort guerre. Et donc, selon toute circonstance atténuante, la passion est oblitérée, toujours volontairement, dans cette émission, donc Nuisance, qui nuise au sens. Merci aux invités qui participent ou non. Et qu'ils participent ou non. Thank you. Mon Dieu. Où suis-je passé ? Something. Comme un avantage à être con. Un avantage en nature, elle. Cela va sans dire. Pas à chier quoi, ça c'est sûr, y a pas à chier, y a pas à chier, merde. Y a pas à chier, merde. Les armes de vie judiciaire, les formes de droit, les procédures légales, les observations, les essais, les décisions, Décrit ci-dessus et comprendre également selon qu'il conviendra des procédures d'intervention judiciaire. Vous avez compris, donc tous les parents, réfugiez-vous dans la sainte charte, convention des droits de l'enfant, et frappez-vous les uns les autres. Thank you. comme un problème, on n'arrive pas à arrêter les bandes, le bordel continue sans s'arrêter, c'est la merde. Si quelqu'un peut venir nous aider, nous sommes en France actuellement. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM au 40 rue Alfred Duméril 31 400 Toulousain, dans le quartier de Saint-Michel, métropole et justice. Le téléphone est le 05 61 53 36 95. Je vais m'empresser de décrocher le téléphone, donc n'appelez pas. Vous pouvez écouter l'émission sur le web, sur canalsud.net. Il est net que cette émission est une improvisation donc totale sur le thème de concerto, donc pour table de mixage et PC. Avec intervenant. J'entends donc une table de mixage et un PC. Entendez bien le PC, la table de mixage. Shit, someone's talking to me. Je me suis trompé, j'ai allumé le micro plutôt que d'éteindre. Thank you. je compte tu plais comme tu veux, ok? Ok, Salut. You can fuck me if you want to. It's all my fault. C'est toute ma faute. Fuck me. Fuck me, please. Please, fuck me. Compassion, please. Compassion, s'il vous plaît. Baisez-moi. Baisez-moi, s'il vous plaît. Compassion. Compassion. Compatissant. Compatissant. Gentil. Baisez-moi. Thank you. shut the fuck. Il est 22h33 minutes. Vous êtes à l'écoute de Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le 5 mars, vendredi, 21h23h. Thank you. something I've got to tell you. My name's not Al. No, it's not. My name's not Al. No, it's not. My name's Insanity. Insanity still. Shaping on a kind of a strange daughter I've got. She's all windy. I know what that means. Please tell me something. Please tell me I'm happy somewhere. I just wished for it so much, you know. I've been wishing for it all my life. Thank you. Ah oui, bah c'est ça. Ah ouais. Bonne code. C'est flash qui est puissant, faut que j'aille le flash. got to admit, this was a good show. This was a good nuisances show. You are on Canal Sud, on canalsud.net, if you understand what I'm saying. Vous êtes sur canalsud.net si vous comprenez l'anglais. Sinon, vous êtes sûrement à Toulouse, au 40 rue Alfred Duméril, avec nous. 21h-23h, c'est l'émission Nuisance tous les vendredis. Donc n'hésitez pas à rater l'émission puisqu'elle va vous nuire à chaque instant. L'émission qui nuit au sens, c'est Nuisance. Comme je vous l'ai dit, c'est la fin de Nuisance. Kulbe anime no.